Chapitre 9e. Le musquet et le poignard. Dans la salle, Belcoeur et la varenne jouaient au dé. Tout entier aux émotions du jeu, ils se versaient machinalement du vin et vidaient leurs verres. Tant que bientôt la main de Roselin s'arrêta sur la bouteille qu'il penchait pour remplir le verre de Guillaume. Eh, mais elle est vide! Il n'y a pas grand mal, fit la varenne. Notre hôte nous en donnera une pleine. Du gobelet d'étain, il frappa sur la table. Jacopo apparut aussitôt. « Du vin !» commanda Guillaume. « Et du même !» Et Roselin saisit son cornet qu'il agita. Jacopo se précipita vers la trappe. Les deux amis jetaient les dés alternativement et comptaient les points. Belcoeur, dans l'entrain du jeu, saisit son gobelet vide et le porta à ses lèvres. Il le reposa aussitôt et s'écria. « Ah ça! Mais ce drôle reste bien longtemps à porter son vin, en effet. « Oh là, buvetier !» clama Belcoeur. « Te presseras-tu? J'ai la gorge en étoupe !» La figure de Jacopo apparut à l'ouverture de la trappe. « Voilà, monseigneur, » dit-il humblement. Il avait la mine effarée et posa en tremblant une nouvelle bouteille sur la table. Tout en lançant les dés, Roselin prit le flacon des bouchées, versa et but. La varenne, lui aussi, avait rempli son verre et le vidait. « 75 !» compta Guillaume en reposant son gobelet. Le capitaine saisit fébrilement les dés, les agita dans le cornet, les jeta sur la table. « 7 et 42 font 49. » Et il attendit que Guillaume jouât. En rentrant dans sa cuisine, Jacopo entendit du bruit dans le jardin. Quatre hommes y étaient en querelle, flambèrent jovent. De ces quatre hommes, deux lui étaient connus, les inséparables Laguibole et Franck Astor. Les deux autres paraissaient être étrangers au pays, de ces nomades résidus de compagnies de condottieri, drapant leur gueuserie dans leur arrogance, et dont les colichemardes relèvent insolemment les manteaux fripés. L'aubergiste s'élança. « Oh là, signori, arrêtez! Ce n'est point ici un endroit pour se battre. Par Saint-Pierre, patron de la maison, allez-vous-en plus loin, je ne veux pas de duel ici. » Laguibole recula, salua son adversaire de l'épée et répondit à Jacopo. « Vous vous trompez, mon ami. Nous ne nous battons pas. Nous étudions seulement avec ces honorables seigneurs une parade fort difficile. » Jacopo, décontenancé, ne savait trop que répondre lorsqu'il se sentit tiré par son pourpoint. Il se retourna et aperçut Franacapa qui lui faisait signe de le suivre et l'entraînait sous la tonnelle où ils conspiraient le quart d'heure d'avant. « Laisse-les faire, » dit-il avec flegme. « Les nouveaux sont de mes amis que j'ai amenés sous prétexte de prendre une leçon d'armes. Mais ils n'ont pas que leurs épées. Ils ont aussi des poignards. Y es-tu maintenant ?» Laguibole avait pour adversaire une sorte de géant roux velu à la figure cramoisie qui s'était découvert en dégainant et avait dit s'appeler Luigi de Casal. Son compagnon, qui faisait face à Franck Astor, était un homme olivâtre à figure d'ascète qui s'était nommé Simon della Croce. Tout à coup, Luigi bondit et le bras gauche armé d'un poignard qu'il avait tiré de sa ceinture, il se précipita sur le maître d'armes. Trop tard, ce dernier comprit. Le fer du ruffian le frappa à la gorge et Laguibole s'affala dans un plan de giroflée. Franck Astor devina ce qu'il attendait. La vue de son ami gisant sur le sol redoubla son ardeur et tout en portant à l'autre des coups frénétiques, il s'écria « Misérable ! C'était donc un guet-apens ! Je vous tuerai tous deux !» Il ne put en dire davantage, à demi assommé par un formidable coup de pommeau manœuvré comme une matraque. Il tomba inanimé et demeura sur le sol, sans un mouvement. Ouf ! S'exclama Luigi. Ça a été dur. Ma parole, cet homme est Messer Satanas en personne. Filon, filon, tu es blessé. Rien, une égratignure. Les deux ruffians disparurent dans une allée. Peu après, Franacapa se dressait devant eux. Eh bien, signori, demanda-t-il gracieusement, et vos partenaires ? Ils sont en train de digérer nos coups d'épée, fit orgueilleusement Simon della Croce. « Ce sont des enfants, mon cher, et il a fallu que nous leur donnions une leçon. Par où sort-on d'ici ?» Le bravo les reconduisit jusqu'à la rue. Puis il vint rejoindre l'hôtelier qui, dans la tonnelle, se tenait apeuré et tremblant. Il lui frappa sur l'épaule, rude et familière caresse, à la façon d'un chef de bande abordant ses mercenaires. « Ami Jacopo, qu'en dis-tu ? Je crois que ces deux-ci ne partiront pas ce soir. » « Sûr ?» bégaya l'hôtelier. « Mais sont-ils morts ? Nous verrons cela tout à l'heure. » Il faudrait savoir maintenant ce que deviennent les deux gentilshommes et leur muscat. » Toujours docile, Jacopo se dirigea vers la salle. Il s'arrêta, hésitant, à la porte et écouta. On n'entendait rien. Au lieu du bruit des dés sur la table, du choc des gobelets, du hurle des bouteilles, des joyeux éclats de voix des deux gentilshommes, il n'y avait, semble-t-il, qu'un chuchotement à peine perceptible. L'hôtelier, à la fois effrayé et curieux, ouvrit doucement le battant de la porte et regarda. Le spectacle était assez étrange en effet. La tête sur la table, se faisant vis-à-vis, Belcoeur et la Varenne dormaient à poings fermés. À côté d'eux, bouteilles, gobelets, cornets et dés, de ci de là, comme des morts sur le champ de bataille. À la table voisine, les six hommes d'escorte demeuraient immobiles, n'osant plus boire ni jouer pour ne pas troubler le sommeil de leur maître et murmurant à peine quelques mots de temps à autre. Imitant ce respectueux silence, l'aubergiste s'avança à pas feutrés et marcha vers les valets d'armes. « Chut !» firent ceux-ci du geste en montrant les dormeurs. Jacopo se baissa vers eux et souffla. « Ces gentilshommes paraissent fatigués. Voulez-vous que je leur donne une chambre ? Ils seraient mieux sur un lit que sur cette table. Ne vous semble-t-il pas, camarade ?» Et une persuasion chantait dans sa voix. Les autres se regardèrent, n'osant prendre de décision. Enfin l'un d'eux se leva et dit doucement « Je vais prévenir Messer Sulpice ou Messer Babylas. » Et se glissant sans bruit hors de la salle, le valet se mit à la recherche des deux écuyers. Pendant ce temps, Jacopo débarrassait prestement la table des objets qui l'encombraient, et en particulier du flacon qui avait contenu le narcotique. Cela fait, il revint tout joyeux à sa cuisine, son quartier général. Décidément, l'affaire marchait à souhait. Sur les 12 hommes, 4 étaient hors d'état de continuer leur route, tout au moins le soir même. La figure radieuse de Jacopo fit deviner à Fana Kappa que tout allait pour le mieux. L'hôte donna des détails à son complice, celui-ci souriait. « Tu dis qu'un des laquais s'est mis à la recherche des deux écuyers ? Ah ah ! Ils les chercheront longtemps. Ces braves écuyers sont fort occupés. » Là-bas, Stella et Maglone lavaient du linge au bassin. Les deux Français les ont aperçus et se sont avancés. On est partis ensemble et on n'est pas encore revenu. « Les fainéantes !» s'écria Jacopo, furieux. « Je les chasserai !»« Garde ton bien !» interrompit l'autre. « Ces deux péronnelles nous seront très précieuses. Nul doute que leurs galants seront d'avis de rester à l'hôtellerie cette nuit, au moins, et d'attendre sans le provoquer le réveil de leur patron. Allons, je crois que nous avons partie gagnée, et que tu me compteras mes 5 ducats demain matin. » Cette perspective fit faire la grimace à Jacopo. Pour l'effacer, il se versa un grand verre de vin qu'il absorba d'une seule haleine. « Égoïste !» s'écria le bravo en tendant un gobelet qu'à son tour il vida. « Sur ce, Jacopo, il faut aller voir ce que deviennent tes servantes. Il est temps d'interrompre leurs 12 entretiens, pour tenir l'intérêt en suspens. Hé hé !»« Oui !» s'écria Jacopo, « et pour reprendre l'ouvrage, les damnées femelles me mettraient sur la paille. » Et il sortit en coup de vent, tandis que Fana Kappa, resté en tête-à-tête avec la bouteille entamée, se mettait en devoir de la finir consciencieusement. C'était un homme d'ordre qui ne laissait rien traîner.